Une belle rencontre. Une lettre attend Faustine dans sa boîte. Françoise lui a écrit. Rappelez-vous, c'est la secrétaire rencontrée chez Exxon S.A. à Paris. C'est bien la première fois que Faustine a une amie qui répond à ses lettres. D'ordinaire, à part sa mère qui se contente de brèves missives, les autres ne se donnent pas cette peine. Toutes préfèrent le téléphone. Tu parles si c'est pratique depuis les USA, avec un Maxime qui rouspète quand la note dépasse 10 dollars. Aussi, c'est fait pour la jeune femme qui entend déguster son courrier avec délectation. Après, le petit rituel immuable. D'abord, attendre d'être seule. Puis, se préparer quelque chose à boire. Un verre de vin fera l'affaire. Installer le cendrier, les cigarettes et le briquet. Enfin, se lever bien à l'aise dans le fauteuil ou sur le canapé. Un peu de musique douce accompagnera agréablement l'événement. L'enveloppe soigneusement ouverte afin de ne pas perdre l'adresse de l'expéditeur figurant au dos, Faustine extirpe le contenu, déplie les pages, parcourt quelques lignes et fond en larmes. Françoise lui écrit qu'elle est à l'hôpital Bichat avec sa petite de 4 ans. On leur a diagnostiqué une saloperie de maladie immunodéficiente. En fait, elle ne sait pas trop de quoi il s'agit. Il paraîtrait que ces globules blancs ne font pas leur travail. Pour l'heure, elle ignore combien de temps elle restera en soins. Les médecins ne sont pas très optimistes malgré les nouvelles transfusions. Faustine répond immédiatement à son amie pour la rassurer et la consoler. Cela ne peut pas être bien grave. Elle est jeune encore et sa fille est un bébé. Tu verras, tout va bien se passer, conclut-elle. Hélas, elle n'entendra plus jamais parler d'elle. Le sida commence tout juste ses ravages. Novembre 1982. C'est le mois du Thanksgiving, cette fameuse célébration américaine rendant grâce d'avoir survécu au génocide indien. Juste pour voir si vous suivez. Cette année, Maxime et Faustine sont invités chez les Estaver, un couple d'artistes que Max avait rencontré dans une cave à jazz de Washington fin 1980. Ils s'étaient revus pendant le séjour du jeune Jack Laclairière au printemps 1981 et avaient organisé une jam session d'enfer. Il y avait Paul Estaver à la contrebasse, Maxime à la clarinette, Jack à la trompette et enfin Bill Riddle, un tout vieux batteur qui avait connu Louis Armstrong. Ce jour-là, Faustine avait fait la connaissance de Barbara et Forrest Parsons, venus en tant qu'auditeurs enthousiastes accompagnés de leur fille Laurie, une malicieuse petite chose toute en boucle rousse. Paul et Lynn vivent dans une maison de 2 appartements, à proximité du bureau de Maxime. En plus d'être un honnête contrebassiste et de travailler pour le gouvernement, Paul est écrivain. Il vient de remporter un prix littéraire. Thanksgiving tombe à point pour fêter cela. Donald et Colin White, les patrons de Maxime, sont venus en voisins. Les propriétés se touchent. La locataire du Ré, une adorable mamie, est aussi de la fête, ainsi que les enfants de Lynn et le trio Person. Le repas est délicieux. L'énorme dinde farcie trône en bonne place, accompagnée de confitures d'érelle, épinards à la crème, purée de pommes de terre, noyée d'épaisses sauces brunes et de petits pois. En dessert, un gâteau à la courge, un autre au chocolat. Avant le repas, Lynn rend grâce et raconte sa version de la légende de Thanksgiving. La fête d'action de grâce symbolise le repas que les Indiens ont partagé avec les colons en 1621, alors que ces derniers mouraient littéralement de faim. Non contents de leur sauver la vie, ils leur ont également fourni des semences et appris à pêcher. C'était bien généreux de leur part, sachant qu'en retour, les colons leur ont offert les germes de maladies européennes encore inconnues sur le nouveau continent, qui ont contribué à décimer leur population. Faustine ne connaissait pas cette version de l'histoire. Un ange passe, vite chassé par le rire communicatif de Lynn, qui entame la dinde sans transition. Malgré l'interdiction, les hommes se mettent à parler politique. Paul raconte. Depuis que les autorités de Washington ont fermé les routes de la ville aux véhicules à conducteur unique, il est obligé de partir à 5 heures du matin. Fonctionnaire, il commence à 9 heures. Il n'a trouvé personne pour covoiturer depuis sa lointaine banlieue. Il arrive en bordure de la capitale vers 6h30, ce qui lui laisse 2 heures, grosso modo, pour dormir dans sa voiture ou pour écrire. C'est ainsi qu'il a terminé son premier roman, celui qui vient d'être primé. Peut-être que si les ventes s'envolent, il pourra s'arrêter de travailler, qui sait? Il y a 2 ans, il a subi un triple pontage coronarien et juste là, il n'aurait rien contre une retraite anticipée. Faustine, curieuse, lui demande de quoi parle son livre. Paul y écrit sa rencontre avec Lynn, leurs premières années ensemble. Lynn était une jeune veuve, son mari s'étant crashé en Cessna lors d'un violent orage. Du jour au lendemain, la voilà seule avec 2 ados, Todd et Donna. Cette dernière est une jeune indienne adoptée, traumatisée et caractérielle. Paul, fraîchement divorcé, remarque cette femme au sourire ravageur. Il lui confie, alors qu'ils se croisent pour la 100e fois à la station-service, « Je suis un vieux camion, j'ai beaucoup roulé, mon capot est amoché, mais mes jantes sont solides. J'ai passé le dernier contrôle, je suis encore bon pour quelques kilomètres. Est-ce que tu veux bien faire un bout de route avec moi ?» À quoi Lynn avait simplement répondu « Oui ». Faustine adore écouter ce genre d'histoire. Depuis toujours, la vie des autres la passionne, qu'ils soient célèbres ou anonymes, avec une préférence pour les seconds. Tant de vies sont de véritables romans. Il n'y a qu'à voir. Lynn vient de la Nouvelle-Orléans. C'est une survivante. Intelligente autant que belle et dure à la tâche, elle a suivi son mari qu'elle adorait dans ce trou perdu de Gainesville. L'endroit idéal pour élever des purs sang sur leur propriété de 94 hectares. Quand il est mort, elle a été obligée de revendre ses chevaux, n'en gardant que 2 qu'elle monte quotidiennement. Ensuite, elle a cherché du travail pour nourrir leurs enfants. Dès lors, on la retrouve partout. Les vendredis et samedis soirs au Country Club, où elle gère l'organisation du service. Les autres jours, dans les magasins de la ville, où elle fait des remplacements. Ou encore à la bibliothèque, etc. Lynn est un véritable exemple de résilience. Comme si cela ne suffisait pas, artistiquement douée, elle exécute des portraits au pastel qu'elle revend sans peine. Voilà quelqu'un dont Faustine ne renierait pas l'amitié. Parmi les autres invités, les Pearson, Forrest et Barbara sont un peu moins flamboyants. Lui dirige la banque de Warrenton pendant que sa femme s'implique dans quantité d'associations caritatives. Tout ce beau monde se retrouve régulièrement au Country Club où Faustine est chaleureusement réinvitée. Lors des personnes, leur fille de 18 ans que Faustine sera amenée à revoir souvent, elles sont presque de la même génération, poursuit des études de journalisme à l'université de Radford. Avec beaucoup d'humour, elle raconte sa vie sur le campus à sa nouvelle amie, tandis que les hommes sortent leurs instruments et commencent à jouer. Sweet Georgia Brown succède alors à Creole Love Call et Egyptian Fantasy, à On a Slow Boat to China. C'est une soupir de bonheur. Qu'il est rassurant, ce bon vieux jazz. Thanksgiving est à peine passé que Maxime et Faustine sont mandés au week-end annuel, regroupant les vice-présidents et la direction générale de la société. Cette fois, on ira dans une log cabin, cabane en ronda, ou station d'hiver, dans les Shenandoah Mountains, avec Donald, Colin et tous les autres VIP de la boîte. Alcool, bouffe, ennui, voilà le programme. Il y a intérêt à emporter de la lecture, vu qu'à part la nature, il n'y aura rien à voir. Faustine n'en a rien à faire des petits sapins. Elle espérait un week-end à New York, ou au moins au bord de la mer. Mais Colin se montre si heureuse qu'elle n'a pas envie de ternir sa joie. Pendant que les hommes se dispersent en tempête de cerveau, dans leur cas, il s'agit plutôt d'ouragan, les épouses se promènent dans les bois. Faustine n'a pas pu y échapper. Hélas, les loups sont tous rentrés. Par contre, 3 jours, c'est vite passé. Les vice-présidents sont contents, ils ont mis leur stratégie en place. On se retrouvera à Noël, mais avant cela, Maxime se voit assigner un cours de 10 jours chez Kodak à Rochester. Il propose à Faustine de l'accompagner. En voiture, il y en a pour un peu plus de 6 heures. Et surprise totale, ils resteront le week-end suivant afin de pousser jusqu'aux chutes du Niagara. Quelle bonne idée! Faustine avait adoré le film avec Marilyn Monroe, Niagara. Tout au long de la route, elle fredonne la chanson « Kiss Me ». Ils traversent la Virginie, la Pennsylvanie et l'État de New York. Comme à son habitude, Maxime ne s'arrête que quand ça lui chante, ne tenant aucun compte des besoins intimes de sa compagne. Heureusement, elle tient l'eau et sait que l'homme déclare l'état d'urgence sitôt qu'il a faim. Faute de savoir se faire respecter, elle se calque sur lui. La route n'est pas très intéressante, mais Faustine est excitée à l'idée de se rapprocher du Canada. Elle aimerait tellement visiter le Grand Nord un jour. Voilà qui promet d'être plus impressionnant que Rochester, cette ville industrielle où les magasins de godasses le disputent aux solutions argentiques. Plus tard, Joyce Carol Oates dénoncera tous ces pollueurs assassins. Pour l'heure, Faustine n'a aucune conscience des dangers qu'encourt la planète. Comme des millions d'individus ignorant tout du rapport Meadows, elle s'est laissée prendre au son des sirènes du consumérisme, persuadée que tout ce qu'elle vit pendant ces périodes d'abondance occidentale est parfaitement normal. Mieux ne saurait léser qui que ce soit. Cette fois, l'hôtel réservé est un Holiday Inn sans intérêt. Heureusement, Faustine a des livres et du travail. Elle est chargée d'apposer des titres aux transparents que Maxime glisse dans le rétroprojecteur. C'est l'ancêtre des démos PowerPoint. Elle utilise pour ce faire des petites réglettes qui comportent des lettres majuscules découpées. À l'aide d'un crayon pointu, on marque une lettre après l'autre. C'est long, terriblement barbant, surtout quand on doit faire ça sur 250 diapos. Quand elle en a marre, elle sort de l'hôtel et visite la zone marchande voisine. Les vendeurs d'escarpins se suivent sans se ressembler. Ici, les chaussures sont incroyablement bon marché. Faustine, ayant hérité des ravissants petits pieds de sa mère, adore les chaussures. Elle est gâtée. Le prix varie entre 2 et 10 dollars la paire. Des merveilles à talons hauts, des ballerines, des sandales arachnéennes. Faustine fait une razzia, dépensant ses futurs gains sans scrupule grâce à la carte de crédit que Maxime lui a enfin procurée. De retour dans leur chambre, la jeune femme continue son boulot fastidieux en attendant que l'homme rentre. Le soir, après la douche, la séance habituelle de crac-crac et un repas frugal au restaurant, ils font une promenade digestive dans le parc de l'hôtel avant de revenir travailler. Faustine ne verra rien de Rochester, New York, parce que Maxime doit plancher toutes les nuits sur les questions pointues que lui posent ses élèves. Il passe de longues heures au téléphone avec son patron. Kodak est un client important, il faut tout faire pour le garder. Pendant ses séminaires, Maxime perd plusieurs kilos. Samedi matin, tout de suite après le petit déjeuner, il se dirige vers les chutes du Niagara. Maxime n'a pas pu louer de cabine. Elles ont disparu depuis longtemps, réservant l'accès panoramique aux riches propriétaires de villas. Ici, comme pour tous les autres sites touristiques, les Américains ont mis le paquet. Parking obligatoire à la sortie de la ville, navette pour se rendre sur le site, passage obligé dans les diverses enclaves, magasins, vestiaires et autres pièges à touristes. Et visite guidée de rigueur. On accède au plus près par une petite passerelle qui fiche le vertige à Faustine. Elle se demande si elle ne ferait pas mieux de rebrousser chemin. Mais Maxime s'accroche à son bras. Est-ce que c'est le moment qu'il a choisi pour se débarrasser d'elle? Elle a de l'eau plein les yeux. Il fait froid et humide. En réalité, l'endroit est aussi sinistre qu'impressionnant. Et ce bruit surtout qui envahit tout, est insupportable. En fin de journée, le spectacle est fabuleux. Quand les nuages sont bas, l'écume montante, on ne sait plus trop si on est encore au ciel ou déjà en enfer.